Oui, bonjour. Alors, vous me demandez de parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu récemment « Borealium tremens » de Mathieu Villeneuve, publié à La Peuplade. Et Mathieu, c'est son premier roman. Et vraiment, il a une plume d'écrivain. Il nous fait voyager dans la région du lac Saint-Jean. Il parle beaucoup de forêt, de chasse. En fait, c'est une écriture de matière. En lisant le livre, on a l'impression de sentir la terre mouillée, la glace, la neige, les lacs qui dégèlent, les insectes qui nous piquent. Et c'est tout aussi une histoire d'un jeune écrivain qui retourne dans son lieu de naissance pour écrire une œuvre. Et tout est contre lui, la maison, les gens autour de lui, le village. Bref, c'est une histoire difficile à expliquer en quelques mots, mais c'est bourré de métaphores, de fulgurances, et je vous le conseille fortement.